Conversion de l'âme à Dieu, de l'introduction à la vie dévote. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Marie-Anne Vidal. Introduction à la vie dévote par Saint François de Sales. Conversion de l'âme à Dieu. Pleure, mon âme, regrette tes péchés, sors de tes iniquités, élève-toi vers ton centre, et ne diffère plus ta conversion d'un seul moment. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas en ton pouvoir, le présent n'est qu'un moment qui t'est donné pour servir Dieu et gagner l'éternité. Conçois mon âme et pèse bien la force de ces paroles. Un Dieu, un moment, une éternité. Un Dieu qui te regarde, un moment qui t'échappe, une éternité qui t'attend. Un Dieu qui est tout, un moment qui n'est rien, une éternité qui t'ôte ou te donne tout pour jamais. Un Dieu que tu sers si peu, un moment que tu ménages si mal, une éternité que tu risques et que tu mets au hasard. Ô Dieu, ô moment, ô éternité. Ô Dieu, mon cœur vous regarde, mon cœur vous désire, mon cœur vous recherche pour se donner à vous, pour s'assujettir à vous, pour se remplir de vous. Je vous supplie donc, ô mon Dieu, d'en prendre la possession, de vous en rendre le maître, d'en bannir le péché, l'attache à la créature et l'amour déréglé de moi-même, afin que je vous serve si fidèlement tous les moments de ma vie que je mérite de vous posséder dans l'éternité. Ainsi soit-il. Fin. Fin de Conversion de l'âme à Dieu. Fin de L'introduction à la vie dévote par Saint François de Sales.